Lire le capital. Elles ont lettre le capital. Se pêcher capital. Qui dans la capitale. Hey, hey, hey, yeah. Au père capital.